Chapitre 6e, le secret de Jeanine. La porte s'ouvrit. Un homme qui se tenait dans la chambre voisine entra. Paul Barre alla à lui et lui serra la main. « Monsieur, vous êtes un honnête homme. Vous n'en savez rien. Si, j'en suis sûr. Je ne connais pas le secret de Jeanine, qui est aussi le vôtre. Avec elle, il ne peut qu'être honnête. J'ajoute que je ne vous le demande pas, mais je vous dis ceci, que vous ignorez peut-être. Jeanine est fiancée. Elle aime son fiancé, elle souffre, et par votre faute. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais de cela aussi, j'en suis sûr. Il ne faut pas que vous fassiez le malheur de cette jeune fille, ce serait une mauvaise action. Robert, Robert, ne dis rien, ne réponds pas !» jeta Jeanine dans un cri. Mais d'un geste, Robert lui imposa silence. « Vous avez raison, monsieur. Non, je ne veux pas de cela. Je ne veux pas le malheur de Jeanine. Pardon, de mademoiselle Jeanine. Elle aime ?» Elle est aimée. Je ne savais pas cela. Elle ne m'avait pas dit. Vous devez d'abord empêcher Jeanine de quitter cette maison, de se cacher, de fuir, de disparaître encore. Je vous le promets. J'ai confiance en vous. Vous le pouvez, monsieur. Jeanine fit un pas vers la porte. Elle semblait affolée. Robert, Robert, tais-toi. Reste ici, Jeanine, fit celui-ci avec une grande douceur. Il faut que monsieur l'entende comme je l'ai entendu tout à l'heure, à travers la porte. Tu ne m'avais rien dit. « Je sais maintenant, Jeanine. Je veux que tu sois heureuse. Monsieur l'inspecteur, écoutez-moi, vous saurez tout. Robert, Robert, que vas-tu faire? Mon devoir. » Et se tournant vers Paul Barre. « Monsieur l'inspecteur, je ne suis pas Robert Donatien. Je suis Robert Durand, frère de Jeanine Durand et forçat évadé. Faites à votre tour votre devoir. » L'inspecteur lui mit doucement la main sur l'épaule. « Au nom de la loi. » Et avec un sourire apitoyé. « C'est cela que vous voulez ?» Jeanine s'était jetée au cou de son frère. « Robert, qu'as-tu fait ?»« Ce qu'il fallait que je fisse, monsieur. Vous connaissez maintenant le secret de Jeanine Durand. » Dans la voiture qui conduisait Robert Durand à la préfecture de police et où Jeanne accompagnait son frère, celui-ci expliquait. « Jeanine ne voulait pas m'abandonner. Elle savait que je serais un jour traqué et poursuivi. Elle ne voulait pas. Je le comprends maintenant. » Avouer la honte de sa famille, de notre famille, hélas, aujourd'hui éteinte, et dont je suis avec elle, le dernier. Elle ne voulait pas, dis-je, faire cet aveu à celui qu'elle aimait. Pour que je ne sache pas l'étendue de son sacrifice, elle m'avait caché ses fiançailles et laissé ignorer tout ce qu'elle perdait afin de me secourir, de me sauver. Je n'aurais pas accepté, si je l'avais connu, ce sacrifice. Merci, monsieur, de me l'avoir révélé. Tu es une sainte, Jeanine. Si celui que tu aimes t'aime lui-même assez pour ne pas redouter le scandale, je ne peux pas hésiter. J'ai résolu de me livrer. L'inspecteur eut une seconde d'hésitation. Vous savez, fit-il en montrant la portière de l'auto, il est encore temps. Non, j'ai fait ce que je devais faire, et je n'ai jamais été si heureux qu'aujourd'hui. Jeanine sanglotait. Je n'oserais plus revoir Bernard. Ce serait mal répondre au sacrifice que fait à son tour votre frère pour éviter le vôtre. « Vous me disiez, monsieur, que j'étais un homme. Vous voyez ce que je suis, un bagnard. J'avais dit un honnête homme, je ne me suis pas trompé. Et puis j'avais bien remarqué dans votre logement les deux chambres, la vôtre, celle de mademoiselle Jeanine. » À la préfecture, Robert Durand subit un bref interrogatoire. Robert Durand, condamné à 10 ans de travaux forcés pour faux usage de faux. J'étais jeune, j'étais pauvre, j'aimais. Triste roman de jeunesse, triste roman d'amour. Évadé depuis 2 années, j'ai vécu au Brésil, en Colombie. Je venais de rentrer en France. Ma mère était morte de chagrin. Mon père n'était plus depuis mon enfance. Ma sœur seule me restait. J'ai voulu la revoir. J'avais refait ma vie. J'avais des économies réalisées par mon travail en Amérique du Sud, où j'avais fondé des comptoirs d'exportation. J'ai voulu rembourser la banque où j'avais commis mes détournements. C'est chose faite. J'ai envoyé anonymement la somme dont j'étais redevable. Le jury avait été sévère pour moi. Il avait été juste. Il me reste 5 ans à accomplir. Je les ferai courageusement. Embrassez votre sœur, dit Paul Barre. Ne vous désolez pas, mademoiselle Jeanine. Vous vous reverrez sans doute plus tôt que vous ne le pensez. On ne saura rien. Durand, c'est un nom presque anonyme. La police sera discrète. Je dirai dans mon rapport les circonstances de l'arrestation de votre frère, qui s'est volontairement livré pour vous rendre le bonheur. Je ne suis qu'un inspecteur de police, mais tout de même, j'ai quelques relations. Mon rapport constituera un document utile à votre cause. Votre grâce est certaine, je vous le promets. Au revoir, monsieur Durand, à bientôt. » Et entraînant Jeannine, « Partons, Bernard nous attend, il espère. »« Mon Dieu !» répétait Jeannine, elle traversait ses larmes. « Quand il saura, je n'oserai jamais. »« Eh bien, avant de le voir, vous allez l'entendre, nous allons lui téléphoner. » Et du bureau même qu'il occupait à la préfecture, comme il en avait un autre à la police judiciaire au quai des Orfèvres, il demanda la communication. « Prenez le récepteur, » dit-il à Jeannine, « vous saurez combien il vous aime et que vous n'avez rien à redouter de son accueil. » Une seconde d'attente, puis « Allô, allô, monsieur Bernard Lambert, ici Paul Barre. » Une voix chargée d'angoisse répond à « Alors, alors ?»« Bonne nouvelle, nous arrivons. Oui, Jeannine et moi. » L'affaire, le secret, une vieille histoire de famille qu'elle n'osait pas vous révéler, la pauvre petite. Oui, c'était stupide, n'est-ce pas? Comme elle a souffert. Autant que vous. Jeannine, ma Jeannine! Et comme elle vous aime, autant que vous l'aimez. À tout à l'heure, à tout de suite. Un grand cri de joie éperdu lui répond. Eh bien, mademoiselle Jeannine, vous voilà rassurée. Allez vite, votre fiancé vous attend. Ainsi s'achève Le mystère du métro Réaumur, une enquête de l'inspecteur Barre par Michel Corrie.